balade sur la plage et il trouve un crâne. Un crâne tout blanc. Il voit bien les dents et les orbites. Il n'y a plus de peau dessus. Dis-donc, crâne, qu'est-ce qui t'a amené là ? Le crâne de la peau, la parole. Du coup, il amène le crâne au roi. Et le roi lui dit, attention, hein, parce que si vous m'avez la vérité, je te couvre d'or. Et si tu m'as menti, je te couvre la tête. Dis un crâne et il dit, vas-y, parle, dis crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Le crâne, il assiste. Non mais c'est pas ça, mais c'est juste que je sais pas, à un moment c'est là il est genre en mode trop froid, non, j'ai une soirée et d'un seul coup